veux que je braille ma life, que je parle mon taf de merde. On boit la tasse chaque week-end dans une vague de flemme. C'est pour les proches, Clatis emporte chaque année sa galère. Constater qu'on a rien dans les poches, je vide mes cartouches d'encre, roule un yak tout temps. Ressassant mes idées sombres à 4 du mat sur le banc. Mes vieux démons m'observent, je perds la raison, m'obsède. J'ai plaqué Marie-Jeanne, je régionne en attendant le procès. Je suis souvent à côté de mes Nike, boycotté de ces dames. Un pack de 12 comme garde-fou, je m'évade. Appelle-moi le petit gars triste, l'homme sous. Car la vie d'artiste dans le Nord sonne faux, c'est fou. Relève la tête frère, tu sais la vie est courte. J'échangerai bien la mienne quand son film joue des tours, hein. L'encre s'écoute, je pense à mes boucs, que les problèmes percutent. Ma bande de jeunes perdus croule, notre vie c'est vertu. On n'oublie pas le mal, on vit avec. Et chaque matin c'est la même, on espère oublier la veille. Égaré, tourner la page, trouver la paix. Un sourire peut cacher sa peine, man. Lève la tête même si ton passé te condamne. Ferme les yeux pour oublier les plaies qu'on a. Toi qui es parti, paix à ton âme, paix à ton âme. J'suis posté entre les larmes et les rires, les armes et les cris. Des keufs te parlent avec des charges électriques, des charles et des kicks. Y'a que sur le beat que j'passe aux aveux. Kicker la prod c'est trop facile comme mettre des baffes aux aveugles. Une fois de plus j'parle de ma vie pour pas j'échant. J'rêve de faire de la maille à tes champs, être dans la compo à des champs. Ah j'ai chaud, leur hypocrisie me brûle la peau. En attendant taffe le disque entre les quatre murs de la bombe. Cherche la rime qui frappe, sage pour manix c'est fab. Baiser une fille c'est bien, oublier le manix c'est bad. J'lève la tête, le ciel est gris, tristes sont les anges, crispés sont les chants. Car le bonheur est sélectif, on a des vides, ouf m'amène. Vite couche t'amène, une petite couche amère. Quand le mic touche, m'allève la chronique, on reste vrai. Faites tomber vos masques, simplement avec des rimes, on te retourne l'estomac. On n'oublie pas le mal, on vit avec. Et chaque matin c'est la même, on espère oublier la veille. Égaré, tourner la page, trouver la paix. Un sourire peut cacher sa peine, man. Lève la tête même si ton passé te condamne. Ferme les yeux pour oublier les plaies qu'on a. Toi qui es parti, paix à ton âme, paix à ton âme. Pas 10 piges, j'ai des problèmes, j'en ai d'état. Mes remparts sont endettés, j'ai rêvé de vendetta. Privé d'eau de moi d'été, la tête de moi, j'suis déter. Il faut remplir des tailles, à la maison bouffer des pâtes, c'est qu'un détail. J'ai besoin de mes potes, fumer des bêtes et des plans pour détail. J'voulais des bonnes notes à l'école, j'pensais pas vous mettre des cales. Ok, vas-y, décolle, oublie-nous pas si tu décales. La boîte, c'est moi, on se marie jeune, j'vois mes remparts qui rient jaune. Comment leur dire, j'adore Kamel et Marie-Jeanne. Mes frères, c'est des blancs, des noirs et des calots. Aucune différence, on est jeunes et décalés. On déjeune tous la galère. Vois leur télé qui vendent du rêve, jusqu'à quand ça va durer. Vas-y zap sur toutes les chaînes, des menteurs sur toutes les chaises. Ok faites pas les shows, c'est ma vision de voir les choses. La jeunesse le temps des fêtes, mon gros faut tant défaire. Mais pourquoi faut tant d'efforts. On n'oublie pas le mal, on vit avec. Et chaque matin c'est la même, on espère oublier la veille. Égaré, tourner la page, trouver la paix. Un sourire peut cacher sa peine, man. Lève la tête même si ton passé te condamne. Ferme les yeux pour oublier les plaies qu'on a. Toi qui es parti, paix à ton âme, paix à ton âme.